Tu sais, je ne comprends pas très bien les termes bancaires en français. Tu peux m'expliquer un peu? Oui, c'est facile. En fait, il y a généralement un terme technique et un terme usuel. Par exemple, tu peux dire « je dois prendre de l'argent au distributeur ». Mais la banque dit « vous pouvez retirer des espèces dans un distributeur ». D'accord. Une autre chose que j'entends tout le temps, vous réglez comment? C'est-à-dire, vous payez comment? On parle de règlement ou de paiement, c'est la même chose. Une dernière question, qu'est-ce que c'est un prélèvement automatique? Pour payer tes factures d'électricité, de téléphone, tu peux choisir le prélèvement automatique. Une somme est prise, prélevée sur ton compte.